En tant que barbier apothicaire, Figaro a ses entrées chez le docteur Bartolo, et il en a profité pour rendre indisponibles les trois domestiques du tuteur. De ce fait, Rosine peut écrire à Lindor une réponse à la déclaration d'amour qu'il vient de lui chanter, et comme elle a vu Figaro parler avec le comte, alias Lindor, elle souhaite la venue de Figaro. À peine arrivé dans l'appartement de Rosine, Figaro plaide la cause amoureuse du comte Lindor auprès d'elle, et Rosine lui remet la lettre-réponse qu'elle vient d'écrire à Lindor. Mais le tuteur Bartolo arrivant, Figaro a juste le temps de s'enfuir par la salle de clavecin attenante.